Tous les matins, écoute Coé sur Europe 2 et tu deviendras de plus en plus beau. Et toi, la fille, de plus en plus belle. De plus en plus belle. Et grâce à lui, tu vas bouillir en boîte ce week-end. Yeah. 6h-10h, Coé sur Europe 2. Écoute, ça rend beau. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. C'est pas grave. J'appelle parce que j'ai vu une publicité sur le net là pour les animaux empaillés. Oui ? Comment ça se passe ? Vous empaillez des animaux ? Vous en vendez ? On empaille et puis on en vend. J'ai une petite question parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Oui ? C'est l'animal souffre ? Ah non, c'est un animal qui est mort. Hein. Ah oui ? Ah bah oui, forcément. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est beaucoup de temps de travail ? Bah écoutez, le temps de travail, ça dépend, suivant ce que c'est. Si c'est un canard, si c'est un faisan. Forcément, si c'est un éléphant, c'est plus long. Si c'est un éléphant, c'est plus long. C'est suivant la taille, suivant ce que c'est comme bête, c'est pas évident. Quoi. Et le rendu après, alors, c'est vrai de vrai ? Vraiment ? Oui. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous lui donnez une position ? Oui. Et ensuite, et ça dure combien de temps à peu près ? Ah, c'est garanti pratiquement à vie. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais. Moi, c'est pour mon Roro. Comment ? C'est pour mon Roro. Ah bon. Qui est mon Robert qui m'accompagne depuis longtemps. Oui. Qui est avec moi depuis oulala, depuis quasiment que je suis né. Mmh. Et il faut faire quelque chose, hein, faut absolument l'empailler. Hein. Ah d'accord. Voilà. Et c'est quoi comme C'est comme un membre de ma famille. Hein. Ah d'accord. Assez enfin, d'ailleurs, hein, c'est mon Robert quoi. C'est mon grand-père. Ah d'accord. Donc là il faudrait faire quelque chose parce que. Les délais à peu près, je vous le sais quoi ? Vous allez amener quoi ? Bah quand c'est possible, vous me dites. Oui, mais c'est quoi que vous allez amener exactement ? Mon grand-père. Votre grand-père ? Oui. On n'empaille pas la nature animale, pas les gens. Vous faites pas ? Pas les gens, non. Mais il sera mort, hein. Là-bas, pour l'instant, il n'est pas encore, mais il le sera hein, quand je vous l'amènerai. N'ayez hein. pas peur. Hein. Non, on fait pas ça. Vous faites pas ? Non, pas les gens, ça se fait pas. Ah ben je croyais moi pourtant parce que vous savez c'est bon Noël c'est dans quelques temps encore hein. Je suis pas sûr qu'il tienne jusque là. Moi il avait sa place à table depuis des années. Je me suis dit peut-être que vous pouvez le mettre dans la même position. Oui. Ou devant la télé quand il regarde Julien Lepers avec la main sur la télécommande un truc. Vous faites pas ça. Non on fait pas les gens. Ça c'est pas de toute façon monsieur. Oh là là là là. Oui papy il dit qu'il peut pas. Il dit qu'il peut pas. Ah oui. Vous vraiment. Non. Il demande si vous pouvez faire un effort. Ah non. Non. Non sans aucun. Doute. C'est une émission de télé ça. Oui. Bon, il peut pas, papy. Ben non, il peut pas. Non. Il aurait bien voulu, mais il peut pas. Voilà, il dit que ça se fait pas. Ah, ça se fait pas, monsieur. Non, ça se fait pas. Bah, dites-lui. Tiens, je te passe le monsieur. Mmh. Allô. Oui. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Hein. Vous pouvez pas m'empailler, alors. Non. Pour passer Noël à table avec ma famille. Non. Hein. Non. Ça aurait été là, il m'aurait servi un verre de sauterne, comme chaque année. Ouais. Meilleure volonté, mais c'est impossible. Et mon animal, vous pouvez l'empailler ? Ça dépend ce que c'est. Un moustique. Ah bon, d'accord. C'est tout petit. Ouais. Mais je l'ai depuis longtemps. Ah ouais, bah c'est certain. Un petit bout de paille. Ouais. Juste un petit bout. Non. D'abord, on marque un empaillé, mais c'est naturalisé. Qu'est-ce que vous ? On marque empaillé, mais c'est naturalisé. Parce qu'empaillé, il y a naturalisé, les gens ne savent pas. Tout le monde ne sait vous pas. Vous avez raison. Vous pouvez pas me naturaliser le moustique. Non, on peut pas vous en naturaliser le moustique non plus. Bon. Non. Moi, j'en passe mon fils. Là. D'accord, sans problème. Il ne pas. Ouais. Non, il peut pas, papy, il le prend pas mal. Bon, bah, je vous laisse alors, je suis désolé. De rien. Même si je vous le livre, reine mort, ça fait rien, non ? Non, même si vous me le livrez, reine mort. Non, parce que sinon, j'aurais pu un petit. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée quand même alors. D'accord. À bientôt. À bientôt. Et bon courage, hein, c'est pas un métier facile hein, ce que vous faites. D'accord. Hein. À bientôt. Merci, au revoir, monsieur, bonne journée.